5. Le banquet. Nous sommes chez Georges Duprat, dans une salle resplendissante de lumière où se dresse une table somptueusement servie, autour de laquelle sont assis 12 étudiants et seulement 10 étudiantes. Un des convives se lève, c'est Bonnivet. Le silence se rétablit. Donc, messieurs, une voix interrompt. Oh, très bien, j'adore ce début. À bas l'interrupteur! Je vote un baillon d'honneur pour Fulgence, dit une de ces dames. Écoutons, écoutons. Bonnivet reprend. Donc, messieurs, il n'y a plus ici d'étudiants. Je n'y vois que des avocats. C'est assez vous dire qu'une position nouvelle nous est faite, et non à vous, mesdames, qui avez toujours été, qui êtes encore, et qui serez toujours des étudiantes, la faculté n'étant point dans l'usage de vous octroyer ces diplômes. De là une séparation aussi douloureuse qu'inévitable. Nous allons quitter, hélas, les sentiers fortunés et les jardins fleuris de cette partie de la rive gauche, appelée quartier latin, dont vous êtes, femmes aimables, et dont vous devez rester le plus bel ornement. Oui, nous allons sortir de cet Éden, les uns pour fouler tristement le macadam et l'asphalte des contrées lointaines de la rive droite, les autres pour se consacrer, au fond d'obscures provinces, à la tâche laborieuse de protéger l'orphelin, de défendre la veuve et de l'épouser au besoin. Mais avant d'effectuer cette séparation cruelle, dont la seule pensée me ferait venir les larmes aux yeux, si je n'avais besoin pour achever mon speech, de la plénitude de mes moyens, je veux remplir un devoir sacré. Au nom de tous, je dépose à tes pieds le tribut de nos vifs remerciements, secs chanteurs et légers, qui nous a rendu le chemin facile de l'école au palais, en passant par Bobineau et le jardin Bullier. Permets-nous de te laisser, en témoignage de notre gratitude, le souvenir de 3 années d'une fidélité éternelle, nos portraits daguerréotypés et nos pipes. Ce discours est suivi de bruyantes exclamations. L'orateur s'est à peine assis qu'une dame se lève à son tour. « Silence !» crie-t-on de toutes parts. « Fanny va répondre. » En effet, après avoir achevé de faire disparaître une aile de bécassine entamée, Fanny promène majestueusement son regard autour de la table et s'exprime ainsi. « Nous acceptons la pipe purement et simplement et le portrait à charge de revanche. Quant au souvenir, je propose, afin d'adoucir l'amertume des regrets dont il sera pour nous une source intarissable, je propose, dis-je, pour me servir de 2 vers d'un étudiant poète que je connus autrefois, de le noyer au préalable dans les flots d'un vin généreux. Les applaudissements redoublent. Le choc des verres annonce que la proposition de Fanny est goûtée. Dans le même instant se fait entendre au dehors le bruit d'une sorte d'altercation. « Vous ne pouvez pas entrer, dit un domestique. » Une voix répond. « Mais puisque je vous répète que je viens voir le cousin. » L'obstination du visiteur l'emporte. Il est introduit dans la salle du festin. C'est un jeune soldat qu'on reconnaît aisément pour un voltigeur à ses épaulettes jaunes. À la vue de ces lustres étincelants, de cette table chargée de mets, de ces jeunes gens églégants et de ces femmes en toilette de gala, il s'arrête ébloui, laissant tomber avec roideur sa main gauche le long de sa jambe, la paume en avant et portant le revers de la droite à la visière de son képi, le pouce écarté de l'index. « Pardon, excuse la compagnie, j'arrive chez mon cousin qui n'y était point. » Et le portier, ayant eu la chose de me dire que je le trouverais chez son ami, M. Georges Duprat, pour lors que je suis donné la liberté de venir. Il rabat la main qui vient de saluer de manière à s'en faire une sorte de garde-vue, tend la tête en avant, sans rien déranger à la position de son corps, et examine les convives l'un après l'autre. Enfin, il aperçoit Clément, court à lui et lui prend la main qu'il secoue de toutes ses forces. « Ah, pardienne, te voilà, ça va bien ? Merci, pas mal et toi ?» Sans oublier ces messieurs, ces dames et toute la compagnie. Ça a pristi. Comme tu es ficelé, j'ai eu toutes les peines du monde à te remettre, foi de Marcel. Clément est pétrifié. Il voudrait se voir à 100 pieds sous terre. Pendant que son cœur le pousse à serrer Marcel dans ses bras, une mauvaise honte le retient. Enfin, il se décide, se lève à la façon d'un automate et se penche vers son cousin. Marcel lui prend la tête à deux mains et lui applique sur les deux joues une demi-douzaine de baisers des plus bruyants. Dieu que c'est bon, s'écrie-t-il. Que c'est bon quand il y a si longtemps qu'on ne s'est vu. Comme tu as l'air étonné, c'est peut-être le changement de costume. En effet, je ne m'attendais pas à te voir avec un uniforme. Ah, dame, un soldat, est-ce que tu ne savais point que j'étais soldat? Dieu que je suis bête, puisque j'avais recommandé au père Jérôme de ne t'en rien dire. Mais c'est qu'à ce moment-là, j'étais loin de me douter que je viendrais à Paris. Et appuyant ses deux mains sur les épaules de Clément pour le forcer de se rasseoir. Te dérange donc pas et continue de faire honneur au fricot. Un fricot qui embaume, sapristi. Le rire est sur toutes les lèvres. S'il n'éclate point, c'est par égard pour Clément, dont l'embarras sollicite un peu de pitié, mais cette contrainte ne saurait durer bien longtemps. Georges ne voit d'autre moyen de mettre fin à une situation gênante pour tous que de faire apporter un couvert. « Asseyez-vous là, monsieur Marcel. » « Trop honnête, bourgeois. Ça n'est pas de refus, vu qu'on a une permission de 48 heures et qu'on ne sera pas fâché de l'employer agréablement. » Marcel déboucle son ceinturon qu'il pose sur un siège, rajuste ses parements, tire en bas le revers de sa veste pour en effacer les plis, se glisse entre Georges et Clément. « Pardon, excuse la compagnie. » Et il se met à dévorer, les yeux roulants de son assiette au plafond, les coudes écartés, avec la gaucherie qui appartient nécessairement aux conscrits qui n'ont point encore désappris les manières du village. Tous les visages s'épanouissent à ce réjouissant spectacle. Il y a dans la présence de ce nouvel invité une promesse de gaieté folle pour le reste de la soirée. Marcel commence à sentir le besoin de reprendre haleine. Ah, fait-il, v'là que ça va mieux. Fameuse tout de même la gamelle. Il vide d'un trait le verre de vin de Madère que Georges lui a versé. Joli petit vin, sapristi. Après avoir essuyé sa bouche avec le revers de sa main, il s'essuie sa main avec sa serviette et se retourne du côté de Clément. « Si bien donc, cousin, lui dit-il d'une voix à se faire entendre à 1 kilomètre, que je suis arrivé d'hier, avec mon régiment et mon sac sur le dos, pour passer l'hiver à Paris, où le sergent dit comme ça, nous allons prendre garnison. Sapristi, qu'est-ce que tu as donc, cousin, à m'écraser le pied, qu'il en est engourdi jusqu'à la boîte du genou ?» Tous les convives de rire. Clément devient rouge jusqu'aux oreilles. Il se hâte de charger l'assiette et de remplir le verre de Marcel. « Allons, mange, bois, et ne perds pas ton temps à parler. »« Sois sans inquiétude, répond Marcel. » Le verre à la main et la bouche pleine. Tout ça peut se faire à la fois. On n'est pas feignant. Monsieur Marcel a raison, dit Fanny. Ce serait mal à vous, monsieur Clément, de nous priver de la divertissante conversation de cet aimable enfant de Bellone, comme disait l'étudiant poète, ma vieille connaissance. Pardon, pardon, interrompit vivement Marcel, dont le cerveau commence à s'échauffer sous l'influence de libations réitérées. Notre vieille connaissance vous a induite en erreur, beauté séduisante. Je suis Marcel, du nom de mon parrain Laplanche, et Brunetot. Du nom de mon père, qui était le frère de la mère à mon cousin. Eh bien, jeune guerrier, eh bien, puisque je suis l'enfant de Mathurin Brunotto, il est clair que je ne peux pas être l'enfant de Bellone, soit dit sans vous manquer de respect, Bayadère. À ce mot de Bayadère, qu'accompagne un de ces sourires de bouche en cœur, que Charles est seul à surrendre, un rire homérique s'empare de ces dames, et ces messieurs, entraînés par l'exemple, s'abandonnent au transport d'une hilarité non moins bruyante. Tout à coup, Marcel bondit sur sa chaise. « Sapristi, cousin, là maintenant que tu me flanques des coups de pied dans les mollets, est-ce que tu ferais l'exercice du pas de gymnastique par-dessous la table ?» Clément se penche à l'oreille de Marcel. « Tais-toi donc, malheureux. »« Me taire, » réplique Marcel très haut, et avec un air d'étonnement indicible. « Pourquoi donc ?» Et après un moment de réflexion. « Ah, c'est peut-être parce que j'ai appelé Madame Bayadère. »« Pardon, excuse la compagnie, il n'y a pas d'affront. »« J'ai entendu dire au sergent que Bayadère était un mot flatteur de la haute société, qui allait très bien quand on parlait à des dames comme il faut. » Les rires continuent. Bonhiver réclame la parole. C'est assurément, messieurs, une bonne fortune pour nous d'entendre les saillies facétieuses de ce spirituel nourrisson de Mars. Nourrisson de Catherine Caillé, femme Brunetot, ma mère, si ça peut vous être égal. Ça m'est parfaitement égal, mon brave. Vous êtes furieusement à cheval sur votre état civil. Et militaire, fusillé au 70e de ligne, 3e bataillon, 2e compagnie, à suivre. Tiens, tiens, comme tu clignotes en me regardant, cousin. Est-ce qu'il te serait entré une paille dans l'œil? Je vas souffler dessus, si tu veux. Clément se renverse sur son siège et semble se dire avec abattement « Tous mes efforts seraient perdus. Laissons-le aller. » Bonhiver reprend. « Je disais donc que le divertissement dont nous sommes favorisés ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il nous a été promis le plaisir d'un spectacle non moins curieux. » Tous les regards se tournent vers Fulgence. « La soirée s'avance, continue Bonhiver, et nous ne voyons poindre à aucun horizon l'étoile qui doit aujourd'hui briller à l'instant à nos yeux. » « Elle a filé peut-être, » dit Fanny. « Ne serait-ce point plutôt une débuleuse, » continue Sinclair. « Ou bien, » ajoute Georges, « un astre visible seulement dans le pays des chimères. »« Patience, messieurs, » répond Fulgence, qui supporte ce feu roulant avec la plus grande impassibilité. « C'est à peine si nous avons fini le second service. »« Nous attendrons donc jusqu'au dessert, » dit gravement Bonnivet. « J'approuve que l'étoile nous soit servie entre la poire et le fromage. » Clément est heureux du tour métaphorique donné à la conversation. Le cousin Marcel, qui a d'abord ouvert de grandes oreilles et de grands yeux, voyant qu'on se met à parler autour de lui, une langue à laquelle il ne comprend rien, concentre toute son attention sur son assiette, et se renferme dans un mutisme absolu. Mais ce répit n'est pas de longue durée. Quel dommage, dit Fanny, que nous ne puissions voir apparaître en même temps la dame des pensées de M. Marcel. Le tableau serait complet. Marcel relève la tête. Plaît-il, Bayadère ? C'est ma fiancée que vous voudriez voir. Vous n'êtes, sapristi, pas dégoûté. Désolé de ne pouvoir vous procurer cette satisfaction, attendu qu'elle est au pays. Ne pourriez-vous au moins, dit une autre de ces dames, nous dédommager de son absence en nous faisant de vive voix son portrait ? Demande indiscrète, reprend Fanny. M. Marcel, qui ne serait manqué de conquête partout où il porte ses pas, n'a peut-être déjà plus dans sa mémoire le souvenir des traits de l'infortunée Ariane, qui pleure et soupire en attendant son retour. Qu'est-ce que vous dites là, sapristi ? D'abord, elle ne s'appelle point Ariane. Son nom est Thérèse, et c'est un brin de fille, comme vous n'en voyez guère. Allez, une bonne ménagère et une fière travailleuse, douce comme un ange du bon Dieu, malicieuse comme un démon, et une taille, et des yeux, et un cœur. Oubliez Thérèse, allons donc, est-ce que c'est possible ? Marcel se lève, et d'une voix de plus en plus animée. Non, ça n'est pas possible de l'oublier. Et pourquoi ? Et pour qui ? Pour des robes de soie, pour des chapeaux à plumets, pour des bijoux ? Ça n'est déjà pas si rare, les bijoux, les robes de soie et les chapeaux à plumets. On en voit partout. Mais Thérèse a ce qui vaut mieux que toutes les richesses, mieux que toutes les qualités, mieux même que la beauté, elle a de la vertu. Cette fois, ces dames n'éclatent pas de rire. Les jeunes gens se taisent. Georges regarde Marcel avec intérêt. Clément lui serre la main. Tout à coup, la porte de la salle à manger s'ouvre. À deux battants, un domestique annonce à haute voix. « Mademoiselle Thérèse ». Au nom de Thérèse, un même mouvement de surprise fit lever tous les convives. « Eh bien, vous avez-je trompé, dit Fulgence, d'un air triomphant ?» Thérèse répète Clément avec stupeur. Marcel est immobile, comme pétrifié. Incertain s'il veille ou s'il est le jouet d'un songe. À la vue de tout ce monde, Thérèse s'arrête. « Où m'avez-vous conduite ? » dit-elle avec effroi au valet qui l'introduit. Le misérable, gagné par Fulgence, qui lui a dicté son rôle, répond effrontément. « Auprès de M. Fulgence d'Orvault, que vous m'avez demandé, madame. » Fulgence court avec un empressement enjoué au-devant de Thérèse et lui saisit la main pour l'entraîner vers la table. « Rassurez-vous, cher enfant, et venez prendre place au milieu de nos amis. » Marcel, qui veut s'assurer si ses yeux ne l'abusent point, s'élance de son côté vers sa cousine. Lui prend l'autre main, l'attire près des lumières et s'écrie « C'est elle, c'est bien elle !» Entre ces deux hommes dont elle croyait la mort et l'autre à 100 lieues, et qu'elle trouve réunis dans une pareille circonstance, contre toute apparence de réalité, Thérèse porte la main à son front. Regarde fixement, tantôt Marcel, tantôt Fulgence, se débat un instant contre cette double vision, et tombe privée de sentiments sur le parquet. Les domestiques la relèvent. Sur l'ordre de Georges, ils la transportent dans une autre pièce de l'appartement, où Fanny et ses compagnes s'empressent de lui porter secours. Jusqu'à ce moment, Clément seul est resté assis, le visage caché dans ses mains. Sa première impression a été la honte, mais bientôt le sentiment de son devoir le réveille. Il se souvient qu'il est frère, et qu'en l'absence du père, c'est au frère d'agir. Toute autre considération disparaît alors à ses yeux. Ce monde devant lequel le faisait petit tout à l'heure, les ridicules terreurs de son amour-propre, ce monde vient de le frapper au cœur, et le sang fouetté par l'insulte, il se redresse résolu à entrer franchement en lutte avec lui. Il marche droit à Fulgence, la tête haute et le regard menaçant. « C'est une horrible action que vous venez de commettre là, monsieur !» Marcel s'est approché de Fulgence à la suite de Clément. Il écoute avec anxiété. Il attend impatiemment l'explication d'une scène qui jusqu'à présent lui paraît inintelligible. Bonnivet, Sinclair et les autres jeunes gens se rapprochent et les entourent. « Monsieur, répond Fulgence avec hauteur, mêlez-vous de vos affaires, je vous prie. Je n'ai rien fait que je n'ai été en droit de faire. La nature de mes relations avec Mademoiselle Thérèse m'autorise à ne rendre compte de ma conduite qu'à elle-même. « La preuve de ce que vous avancez, monsieur, la preuve ?» dit Clément d'une voix frémissante. « Si l'action de se rendre ici pour m'obéir ne vous suffit pas, voici quelque chose qui achèvera de vous convaincre. Vous pouvez lire, monsieur. Thérèse ne reniera point ce billet. » Fulgence présente à Clément le fragment de lettre, base de toute son infernale machination. « Je reconnais son écriture, » s'écrie Marcel. Clément saisit le papier. Il le parcourt une première fois avec rapidité. Il en recommence la lecture lentement. Il semble interroger chaque phrase. Chaque mot pourrait découvrir un autre sens que celui qui y est exprimé. Vains efforts. Le doute n'est plus permis. L'évidence est là. Marcel a lu par-dessus l'épaule de Clément. Il a compris enfin. Fulgence regarde ses amis les uns après les autres avec un visage épanoui par la vanité satisfaite. Tout à coup, Clément déchire la lettre et en jette les morceaux à la figure de Fulgence. « Thérèse est ma sœur, dit-il, et vous êtes un lâche. » Sa voix est éclatante d'un œil terrible. Fulgence a pâli. « sa sœur, répètent les jeunes gens stupéfaits. « Eh bien, informe, s'écrie Clément, attends-tu que je te soufflette en présence de tes amis ?» « Demain, monsieur, » répond Fulgence d'une voix sourde, « je vous enverrai mes témoins. »« À la bonne heure, à demain donc. » Et traversant ce groupe de convives tout à l'heure si joyeux, à présent si décontenancé, Clément se retire pour se rendre auprès de sa sœur. Marcel suit son cousin, mais avant de sortir, il s'arrête devant Fulgence. « Thérèse est ma fiancée, monsieur. Si le cousin vous manque, je ne vous manquerai point, moi. »